Aujourd'hui à Assemblage Requis, exceptionnellement le mercredi, on reçoit Maxime Lemieux-Ramé et sa chronique sur les nouveautés musicales. Télécharge quoi? Et même si on le reçoit à chaque mercredi, c'est quand même un homme d'exception. Simon Fidibé et sa chronique Paul is Dead. Tout ça et encore plus de lichage à Assemblage Requis, mercredi 15h.